21 souffle, activation orale, prononciation, syllabes ouvertes. Répétez les phrases suivantes en séparant légèrement les syllabes. Les mathématiques, la géométrie, la trigonométrie, c'est utile. On apprend le latin. Vous avez fait du latin? Vous en avez vu, vous, des sirènes? Eh bien, vous êtes sentencieuse. Elle est allée chez elle. Mes parents m'attendent à midi. Quand y allez-vous?